Au milieu des demandes et des réponses qui se croisèrent pendant cette matinée, Nicole posa une certaine question qui ne trouva pas de solution immédiate. « Ah ça, dit-il, c'est très bien d'aller dans la Lune, mais comment reviendrons-nous ?» Ses deux interlocuteurs se regardèrent d'un air surpris. On eût dit que cette éventualité se formulait pour la première fois devant eux. « Qu'entendez-vous par là, Nicole ?» demanda gravement Barbicane. « Demander à revenir d'un pays, ajouta Michel, quand on n'y est pas encore, me paraît inopportun. » « Je ne dis pas cela pour reculer, répliqua Nicole, mais je réitère ma question et je demande comment reviendrons-nous ?»« Je n'en sais rien, répondit Barbicane. Et moi, dit Michel, si j'avais su comment revenir, je n'y serais point allé. » « Voilà la réponse, s'écria Nicole. « J'approuve les paroles de Michel, dit Barbicane, et j'ajoute que la question n'a aucun intérêt actuel. Plus tard, quand nous jugerons convenable de revenir, nous aviserons. Si la Columbia n'est plus là, le projectile y sera toujours. Belle avance, une balle sans fusil. » « Le fusil, répondit Barbicane, on peut le fabriquer. La poudre, on peut la faire. Ni les métaux, ni le salpêtre, ni le charbon ne doivent manquer aux entrailles de la Lune. D'ailleurs, pour revenir, il ne faudra vaincre que l'attraction lunaire et il suffit d'aller à 8000 lieues pour retomber sur le globe terrestre en vertu des seules lois de la pesanteur. » « Assez, dit Michel en s'animant, qu'il ne soit plus question de retour. Nous en avons déjà trop parlé. » « Mais, j'y songe, si nous ne revenons pas sur la Terre, « Maston est capable de venir nous retrouver. »« Oui, il viendra, répliqua Barbicane. C'est un digne et courageux camarade. D'ailleurs, quoi de plus aisé ? La Columbiade n'est-elle pas toujours creusée dans le sol floridien ? Le coton et l'acide azotique manquent-ils pour fabriquer du pyroxyle ? La Lune ne repassera-t-elle pas au zénith de la Floride ? Dans 18 ans, n'occupera-t-elle pas exactement la place qu'elle occupe aujourd'hui ?» Oui, répéta Michel, oui, Maston viendra, et avec lui nos amis, Elphiston, Blansberry, tous les membres du Gun Club, ils seront bien reçus. Et plus tard, on établira des trains de projectiles entre la Terre et la Lune. Hourra pour Maston! Sous l'influence d'une exaltation singulière, ils lui consacraient leurs meilleures pensées. Mais d'où venait cette animation qui grandissait visiblement chez les hôtes du projectile? Leurs figures rougissaient, leurs respirations s'activaient, leurs yeux brillaient, leurs voix détonnaient, leurs paroles s'échappaient comme un bouchon de champagne, leurs gestes devenaient inquiétants. « Maintenant, dit Nicole, je veux savoir ce que nous allons y faire. »« Je n'en sais rien. »« Et je ne m'en doute même pas, » riposta Barbicane. « Eh bien là, je le sais, moi, » répondit Michel. « Pourquoi ? Pour prendre possession de la Lune, au nom des États-Unis, pour ajouter une 40e État à l'Union, pour coloniser les régions lunaires, pour les cultiver, pour les peupler, pour y transporter tous les prodiges de l'art, de la science et de l'industrie, pour civiliser les Sélénites, à moins qu'ils ne soient plus civilisés que nous, et les constituer en république, s'ils n'y sont déjà. Et s'il n'y a pas de Sélénites, riposta Nicole. Nous n'avons que faire des Sélénites. Ah bah les Sélénites, s'exclama Michel. À nous, l'Empire de la Lune, dit Nicole. À nous trois, constituons la république. Je serai le Congrès, cria Michel. Et moi le Sénat, riposta Nicole. Et Barbicane, le président, hurla Michel. Alors, le président et le Sénat entonnèrent d'une voix terrible le populaire Yankee Doodle, tandis que le Congrès faisait retentir les mâles accents de la Marseillaise. Alors commença une ronde échevelée, avec jets insensés, trépignements de fous, culbutes de clowns désossés. Puis, les trois compagnons de voyage tombèrent sans mouvement sur le fond du projectile.